Je vous invite maintenant en balade dans le nord de la France, dans une région chargée d'histoire et où le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Suivons Jean-Sébastien Petit-Demange. Il est une région de France qui a été victime de tous les malheurs, de toutes les calamités, de tous les chagrins, de toutes les infortunes, c'est bien la région Nord-Pas-de-Calais. Elle a connu toutes les guerres et toutes les exodes, toutes les famines et tous les envahisseurs. Alors c'est vrai qu'ici, les gens ont toujours vu défiler les canons entre la guerre et la paix, entre l'église et l'estaminet. Un petit canon de rouge au bistrot et un peu de droit canon sous la nef. Et comble de l'injustice, en plus, le Nord est victime des clichés, victime des images déformées par ceux qui ne le connaissent pas. Image réductrice parce que le Nord, c'est aussi et surtout les fortifications de Vauban, autour des canaux de lumière où dorment des carpes sans âge. C'est encore les beffrois des moyens âges et les cathédrales immobiles de vie portant la foi des bourgeois et des charbonniers. C'est le sable le plus fin qui soit le long des grèves et des dunes de la côte d'Opale. C'est l'émeraude des champs de houblon et l'or des blés qui ondulent par vagues. C'est l'île et ses rues animées. C'est les falaises du cap Grinet et Arras et son beffroi et Calais. Et ses bourgeois, c'est Saint-Omer et l'Audomarois. Tiens, arrêtons-nous là. Voilà une campagne méconnue et pourtant l'une des plus charmantes de toute la région. André Poncelet, rédacteur du Guide du Routard sur le Nord-Pas-de-Calais. Son charme est tout à fait évident. D'ailleurs, les Anglais qui viennent et qui débarquent à Calais par les ferries ne manquent pas de se répandre dans la région et de visiter tous les petits coins. C'est pour eux une destination d'excursion, de week-end. Saint-Omer, ça ressemble à quoi un peu cette ville? C'est une petite ville comme on les imagine, dans une sous-préfecture avec un côté un peu corseté. D'ailleurs, quand on parle de corset, on pense aux dames au chapeau vert de Germaine Acremont, qui est l'écrivain local, la gloire locale d'ailleurs. Mais c'est aussi une petite ville tout à fait attachante. Il y a une très très belle cathédrale et puis il y a quelques très belles maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle. Il y a quelques rues à parcourir comme ça qui ont beaucoup de charme en tout cas. C'est sûr que la cathédrale de Saint-Omer, avec celle d'Amiens, est l'un des plus beaux édifices religieux du nord de la France. Un peu caché au cœur de la ville, on ne la découvre vraiment qu'en arrivant à ses pieds. Imposante pourtant cette cathédrale gothique, elle est massive et néanmoins élégante. Et il ne faut surtout pas manquer à l'intérieur les grandes orgues de 1717, totalement baroques et impressionnantes. Et puis dans les environs, à 5 km, il ne faut pas manquer de visiter un lieu de mémoire important de la Seconde Guerre mondiale, la coupole d'Elfaux. C'est plus qu'une curiosité, c'est vraiment un endroit de mémoire. Il faut savoir que dans la région, là, les Allemands, l'organisation Todt, avait construit des énormes bunkers qui devaient en principe servir de base de lancement aux fameuses fusées V2 qui ont été lancées de plus loin parce que les Anglais, les Américains, en 1944, avaient pris leurs précautions et avaient bombardé la région. Mais ce bunker de Elfaux n'a jamais réussi à être démoli par les bombardements, l'épaisseur du béton était telle qu'il est resté quasiment intact. Et comme ça devait coûter peut-être des millions pour le démolir, pour le démanteler, on a préféré garder la structure et en faire un musée qui est consacré aux armes secrètes d'Hitler, à savoir les V1, les V2 et d'autres projets. Et également, c'est un mémorial qui retrace ce qu'était le destin du Nord-Pas-de-Calais pendant la guerre. Il faut savoir que cette région était séparée de la France, elle était rattachée au commandement militaire de la Belgique à Bruxelles et il fallait, pour la parcourir, avoir des laissez-passer, toute une série de mesures vexatoires. La résistance était très active là-bas. Les habitants ont beaucoup contribué à fournir des renseignements très précieux aux alliés. Et leur contribution à la réussite du débarquement est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir en tout cas. Lieu de mémoire, lieu de nature aussi, avec le marais Audomarois qui occupe 4000 hectares, ce qui en fait un des plus vastes de France. Un lieu naturel certes, mais une nature qui doit tout à la main de l'homme. Nature, oui, mais nature domestiquée, nature aménagée déjà depuis le 8e ou le 9e siècle par les moines qui sont venus défricher et fertiliser la région. Ils ont, un peu à l'instar de ce qui s'est fait plus tard en Hollande et dans la Flandre, ils ont drainé les marais salants, ils ont asséché ce qu'on appelle les watergangs et s'est construit là, dans cette région, tout un réseau de cours d'eau où on cultive les plantes maraîchères. On peut les visiter avec des petites barques à moteur. C'est très agréable à faire d'ailleurs. On se retrouve dans des murs comme ça de joncs et puis au-delà desquels on aperçoit les plantations de choux. C'est vraiment un ravissement que de faire ça. Ça dure une heure et demie. Je crois qu'il y a plusieurs endroits où la location se fait. Bon, on peut trouver les renseignements à l'Office du tourisme local. Effectivement, aujourd'hui, le marais audomarois est le seul en France à être encore cultivé. Chou-fleur, endive en hiver, ce qu'on appelle les chicons dans le Nord. Salade, poireaux, céleri, cresson sont absolument magnifiques. C'est une région méconnue, l'audomarois, qui mérite qu'on s'y arrête pour ses traditions encore vivaces et pour ce subtil équilibre entre nature vierge et activité humaine.